Promenade avec ses parents. Une fanfiction d'une phrase écrite et narrée par Mia, alias Mia QC. Lille est heureuse car la petite princesse part en promenade avec ses parents, le roi du monde des démons et son épouse humaine.